Bonjour amis cancer et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2023 concernant vos amours, parce qu'on va se consacrer uniquement sur vos amours. Donc quel va être le conseil de l'oracle de Béline pour vous ce mois-ci? Alors peut-être qu'il y a des craintes de votre part concernant un équilibre familial, concernant quelqu'un du foyer, de la famille, ou alors peut-être qu'il y a des petits... Voilà, une petite trahison, quelque chose qui peut vous ennuyer, mais on va voir le tirage amour, amour, amour pour les cancers au mois d'avril. Ah oui, en effet. Oups. Alors, bon, bah, écoutez, apparemment, certains cancers, évidemment, tous les cancers n'ont pas vécu ou ne vivent pas une rupture en début de mois d'avril, mais le début du mois d'avril, il est un peu compliqué pour vous. On dirait que vous craignez peut-être de perdre une personne, de perdre votre amoureux, votre amoureuse, ou l'objet de vos désirs si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue. En tout cas, ça commence avec pas mal d'angoisse, d'inquiétude. Heureusement, alors c'est vrai que ce qui domine le jeu, c'est la beauté. Cette carte, c'est la carte de l'épanouissement. Amoureux, vous allez vous sentir. Votre charme opère, en fait, c'est la beauté, le charme, la séduction opère. Et d'autres, on dirait que grâce à cela, donc ne perdez pas confiance en vous, en votre séduction naturelle, puisque finalement, on a la carte des peurs et dessus, qu'est-ce que l'on a? On a la paix en conclusion. Donc en fait, eh bien, malgré tout, vous allez passer à côté. De désagréments, grâce à votre charme, vous allez peut-être rétablir une situation tout en. Parce que vous allez peut-être sentir les choses, vous êtes des personnes très sensibles, vous allez sentir que peut-être qu'il faut redoubler d'efforts de séduction pour, je vais dire, reséduire l'objet de vos désirs, votre partenaire, et du coup, eh bien, la paix va revenir. Et vous allez garder l'équilibre ou faire revenir l'équilibre. Donc c'est vrai que le conseil, c'est quoi? C'est la vigilance. Soyez très attentif au mois d'avril, attentif, attentive aux états d'âme de votre partenaire. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, les dérapages fâcheux sont possibles. Et sinon, eh bien simplement grâce à votre sourire, à votre conversation, à la communication, eh bien vous allez sauver la situation et rétablir les choses. Et à ce moment-là, vous pourrez finir le mois d'avril en beauté. Alors, bonne chance!